Mercredi 19h-19h30, Made in Fadjet, l'émission des émissions de Fadjet. Bonsoir et bienvenue à vous. C'est parti pour une demi-heure d'immersion au cœur d'un programme de Fadjet. Parce que c'est ça le concept de Made in Fadjet, vous faire découvrir chaque semaine une nouvelle émission de la grille des programmes de Fadjet et faire bien sûr plus ample connaissance également avec son ou ses animateurs. Ce soir, nous allons partir à la découverte d'une émission que vous retrouvez tous les premiers jeudis de chaque mois de 20h à 21h. Ça, c'est le premier indice. C'est un concept original d'émission participative qui permet aux animateurs de Fadjet, mais pas seulement, de se retrouver dans une ambiance conviviale et de jouer ensemble et aussi, bien sûr, de vous faire jouer avec eux. Toujours pas trouvé ? Alors, si vous avez trouvé, c'est que vraiment vous êtes de fidèles auditeurs. Mais sinon, on a un troisième indice pour vous. C'est un générique qui fait très plage, très soleil. Complètement. Complètement. Alors ça, vous entendez la voix déjà, la voix de l'animateur et du présentateur. Mais on a un quatrième indice pour vous. Et là, vous allez découvrir totalement l'émission dont nous allons vous parler ce soir. Pour une dose de bonne humeur, de détente, tout en apprenant des choses, il n'y a qu'une solution. Jet Quiz. Jet Quiz, c'est votre émission de jeu où vous pourrez entendre des chroniqueurs de Fadjet s'affronter sur des questions de culture, d'actualité insolite, de musique et de cinéma. Retrouvez-nous un lundi par mois à 20h sur Fadjet 94.2 pour une nouvelle édition de Jet Quiz. Et voilà, c'est Jet Quiz, effectivement l'émission qui va être mise en lumière ce soir dans Made in Fadjet. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son créateur et son coordinateur, Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien. La forme ? Oui, tout à fait. Alors déjà, rien que le générique de l'émission, ça nous met en forme. Complètement. Hein ? Voilà. C'est une émission qui met la pêche, c'est une émission où on rigole, où on s'amuse, où on apprend des choses aussi. Exactement. C'est vraiment une émission de détente, juste pour le plaisir. D'accord. Dans la bande-annonce, on s'est un peu trompé parce qu'on disait que c'était... En fait, c'est celle de l'année dernière. Voilà, il y en a une nouvelle pour cette année que vous entendrez sûrement dans les programmes, puisque maintenant, c'est bien le jeudi à 20h et non pas le lundi à 20h. Et voilà, on va changer ça très rapidement. Donc notez bien le premier jeudi de chaque mois à 20h si vous avez envie de vous amuser. Exactement. Alors dis-moi, comment tu as eu l'idée de créer cette émission ? Eh bien écoute, c'est vraiment une émission qui est du pur Fadjet, puisque l'idée m'est venue en faisant une autre émission Fadjet. Ah, laquelle ? En l'occurrence, la matinale, parce que donc, j'étais à la matinale depuis quelques temps. Et une rubrique qui me revenait régulièrement dans la matinale, c'est la rubrique des insolites, où il s'agit d'aller piocher un peu les actualités un peu insolites qu'il y a. Donc en général, il y en a beaucoup, faire une petite sélection. Ouais, il faut trouver les meilleurs. Il faut trouver les meilleurs, les plus intéressantes. Il y a souvent des trucs très marrants. Et voilà, donc en faisant une anecdote insolite, je sais plus laquelle c'était, je me suis dit, mais ça serait super marrant d'essayer, plutôt que d'annoncer l'anecdote comme ça, d'essayer de la faire deviner à mes collègues, c'est-à-dire, je sais plus ce que c'était, qu'est-ce qu'on avait retrouvé dans je sais pas quoi, enfin bref, vous imaginez un peu les trucs insolites qu'on peut trouver dans les infos. Et puis voilà, quoi, ça m'a travaillé un peu, puis j'ai poussé plus loin, je me suis dit, on pourrait faire d'autres petits jeux marrants et tout ça. T'es joueur, toi, comme garçon ? Ouais, moi j'adore les jeux, je suis beaucoup de jeux de société notamment. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ouais, donc pas forcément des jeux tout seul, t'aimes bien les jeux avec d'autres. Ouais, tout à fait. C'est aussi le principe de Complètement. Et puis en plus, voilà, on était une bonne équipe du vendredi, je connaissais pas mal d'animateurs, je connaissais d'autres gens dans la radio qui étaient motivés pour faire des émissions un peu détentes, comme ça, parler un peu aussi avec beaucoup de collègues, on parle pas mal de cinéma, de musique de film, des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui me plaisent aussi. Donc voilà, on avait l'envie un peu de faire quelque chose, un concept autour de ça. Et puis on s'est lancé, puis ça marche bien. Exactement, ça marche bien. Alors ça s'ouvre même à tous les animateurs de Fadjet. Complètement, et même au-delà. Alors on est un peu limité par les contraintes techniques, c'est-à-dire que on peut pas avoir autant de participants qu'on veut à chaque émission, évidemment, parce que voilà, on n'a pas des studios immenses. Tout à fait. Et du coup, le format qu'on a choisi, c'est donc que en général, donc c'est moi qui suis animateur. J'ai Davy, un autre familier de l'émission qui me fait la technique et qui sert d'arbitre pour compter les points. Ah bah oui. Et puis nous avons deux équipes de deux joueurs. Donc voilà, que je recrute un peu comme ça, en discutant avec des gens de Fadjet, mais pas seulement. Parfois, ça m'arrive de, voilà, d'inviter des amis qui sont motivés pour faire un peu de radio. L'avantage, c'est que ça ne demande aucune préparation aux participants, puisque c'est juste, voilà, de venir avec sa bonne humeur, de venir avec ses neurones aussi, parce qu'il faut un peu réfléchir. Voilà. Et puis voilà, quoi, passer un bon temps. Et ça s'est toujours très bien passé, avec toujours beaucoup de, voilà, beaucoup d'humour et beaucoup de sympathie de la part des participants. Tu as des retours des auditeurs, toi? Non. si, quand même, un petit peu. Ouais, des gens proches qui ont apprécié le concept des premières fois. Après, je sais pas s'ils ont eu l'occasion de le réécouter après. Et qui jouent avec vous. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. C'est pas de jouer entre soi, c'est de permettre à l'auditeur de jouer. C'est pas juste des jeux. Parce que tous les jeux. Alors, on a plusieurs formes de jeux. Oui, donne-nous un petit peu le détail de l'émission. Donc, il y a plein de formes de petits jeux. En général, donc, le format est très simple. Il y a trois jeux. Hein. L'émission est divisée en trois jeux qui sont coupés par des petites pauses chansons. Dans chaque jeu, chaque question ou chaque épreuve rapporte un point. Et puis à la fin, voilà, c'est l'équipe de deux qui a le plus de points qui a gagné. Des questions dans tous les domaines. Alors voilà, donc il y a des jeux différents. Il y a des jeux. Donc le jeu de base, on va dire le plus basique, c'est je pose une question, donc en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, sur l'actualité par exemple, je pose une question et puis c'est aux équipes de trouver, mais alors ils sont pas obligés de donner une réponse. C'est un peu comme Grosse Tête par exemple, c'est-à-dire que ils cherchent une réponse, font des propositions, je leur dis non, pas trop, tout ça, je les aide un peu, et puis celui qui donne la réponse finale récupère le point. Donc ça, c'est intéressant pour les auditeurs parce que ça leur fait apprendre des choses, ça leur fait chercher un peu qu'est-ce que c'est, voilà, on les guide un peu vers la réponse et au final on arrive à la petite anecdote. On a fait des questions un peu plus historiques aussi, par exemple, à un moment. On a fait des jeux un peu en mode qui veut gagner 1 000 question pour un champion. D'accord. Donc on raconte une petite histoire et puis il faut trouver le plus vite possible de quoi on parle. Par exemple, on l'a fait avec des films. On a fait des blind tests, on passe des musiques, il faut savoir de quel film ça vient ou de qui c'est. On a fait des « vous n'oubliez pas les paroles », c'est-à-dire qu'on arrête une chanson, il faut donner la parole suivante ou le mot suivant. D'accord. Voilà. Donc plein de petits jeux différents. C'est là qu'on voit que tu aimes bien les jeux, parce que du coup tu t'inspires de plein de jeux à la fois télévisés, jeux radiophoniques, et ça tu fais ta petite sauce et tu l'adaptes à ton émission. Voilà, je cherche des petites idées et puis voilà, on trouve des trucs. Puis on se donne pas mal d'idées aussi avec les gens qui participent. Ce qu'on a fait une fois aussi, par exemple, c'est qu'on accélérait des musiques, il fallait trouver quelle était la musique d'origine. Ça aussi. Des petits jeux, voilà, des petits trucs tout bêtes, mais qui sont sympas et pas très très difficiles, quoi. En gros, il faut dire à nos auditeurs que s'ils ont envie de passer un peu de temps à se détendre, c'est vraiment complètement. Ça. Et c'est aussi l'émission idéale pour se détendre et pour apprendre des choses. Donc c'est Jet Quiz. Pourquoi ce titre? Parce qu'il fallait un titre. Non, parce mais que je. C'est essentiellement des quiz, pas seulement. Oui, bah, quiz, quiz, ça fait jeu. Et puis j'aimais bien l'idée de prendre un bout de Fadjet dans le titre, quoi, pour dire que c'était aussi une émission, voilà, qui était liée à la radio. Alors tu disais effectivement que toi, tu as conçu cette émission à partir d'une autre émission ou en participant à une autre émission. Hein, c'est la matinale de Fadjet. Et le concept, c'est vraiment un concept participatif. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi du projet de Fadjet. Ça, on aime bien quand les gens d'émissions différentes peuvent se rencontrer et créer un projet ensemble. Donc, c'est vraiment ça. Et donc là, par rapport à Jet Quiz, c'est aussi, tu le disais, ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont envie de venir jouer avec vous, c'est possible. Alors après, on est limité dans le sens où on a une émission par mois et on n'a que 4 candidats. Et puis, il y a un désavantage pour ce système, c'est que les gens aiment tellement participer en général qu'ils demandent à revenir. Ah d'accord. Donc voilà. Donc tu dois faire on ta essaye sélection. De varier un peu, mais bon, on aime bien faire plaisir aux gens aussi. Donc parfois il y a des gens qu'on fait revenir parce que voilà, ils aiment bien. Ouais. Voilà. Mais évidemment, dans le principe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Il suffit de nous contacter s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de participer. C'est contact@fadjet.net et puis on te retransmet. Exactement. Même si la liste est longue, les gens seront patients et ils attendront leur tour pour passer et participer à des quiz. Et puis cette année, il y a une autre manière de participer que j'ai essayé d'innover. avec un jeu qui est ouvert aux auditeurs. Donc, pour découvrir de quoi il s'agit, il suffit d'écouter l'émission. C'est un jeu sous forme de mots-codes où il faut trouver un mot-code en fonction d'indices qui sont glissés au fur et à mesure des émissions. Donc, plus vous écoutez Jet Quiz, plus vous avez de la chance de trouver. Ensuite, vous me contactez par la page Facebook de l'émission et j'offre un cadeau à la première personne qui trouve la réponse. D'accord. Si c'est pas gentil. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas à chaque émission. Il faut écouter plusieurs émissions. Il se trouve que, par exemple, là, Magali, qui jouait avec nous la dernière fois, a trouvé tout de suite le mot-code qu'il fallait trouver. D'accord. Donc, elle a gagné. En une émission, bon, en l'occurrence, elle participait, mais ça aurait été pareil si c'était quelqu'un qui écoutait. En l'occurrence, elle a gagné tout de suite un cadeau. D'accord. Mais parfois, peut-être que ça sera plus difficile, qu'il faudra en effet plusieurs émissions pour trouver le mot-code qui débloque le cadeau. D'accord. Voilà. Donc là, c'est super, soyez à l'écoute, essayez de trouver le mot-code, et vous avez un beau cadeau offert par Pierre si vous trouvez la bonne réponse. Exactement. Ça, c'est malin pour fidéliser l'auditeur aussi. Des petits trucs. Il y a du marketing derrière. Exactement. Alors justement, on va aussi faire plus ample connaissance avec toi, parce que c'est aussi le principe de l'émission. Et Fadjet est une radio associative, donc les gens qui l'animent font souvent autre chose à côté. Tu fais quoi, toi, en dehors de Fadjet ? Je suis doctorant à l'Université de Lorraine en informatique. D'accord. Alors, doctorant en informatique. Oui, c'est-à-dire que je fais une thèse. Tu fais une thèse en informatique, ouais. D'accord, je ne vais même pas... Non, on n'entrons pas dans les détails, c'est pas la peine. Et donc ton projet professionnel, après, c'est quoi ? Dans l'idéal, ce serait d'obtenir un poste pour être enseignant-chercheur à la faculté, à Nancy ou ailleurs, ou même à l'étranger peut-être, je ne sais pas. D'accord. Et c'est quoi le lien entre la radio et l'informatique ? Aucun. Non, il n'y a pas de lien spécial. C'est juste que... Autre manière de poser la question, qu'est-ce que ça t'apporte de faire de la radio, toi, dans ton quotidien ? Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif et qui a la parole assez facile. Donc, c'est vrai que la radio, c'est un médium qui me plaît beaucoup, où je me sens assez à l'aise et qui permet aussi de travailler avec des gens très sympas, très intéressants, puis de passer un bon moment parce que, même s'il y a souvent un temps de préparation qui n'est pas toujours négligeable, le moment de l'émission elle-même, c'est un moment de détente pour moi. Je veux dire, une fois que c'est préparé, ça roule tout seul. Parfois, il y a des bafouilles, il y a des erreurs, mais on s'en fiche, on continue. Et puis ça se passe bien et on passe un moment sympathique. Puis on est en contact mental, on va dire, avec les auditeurs. Voilà, on leur offre quelque chose. Donc, c'est quelque chose de vraiment sympathique. C'est du relationnel. Ouais. Beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Tous les jours. Et puis, tu disais aussi, ça permet de souffler. Et je pense que quand on est étudiant, c'est peut-être bien aussi d'avoir comme ça des lieux ou des activités qui permettent de penser à autre chose. Oui, tout à fait. Ça change et puis ça permet aussi de parler de choses qui sont pas forcément des choses du domaine professionnel. Mmh. Je disais tout à l'heure, par exemple, moi j'aime bien les jeux, j'aime bien les films. J'en profite pour parler un peu de mes passions, des choses que j'aime bien. Et puis voilà quoi, c'est un cadre du coup où je peux m'exprimer des choses qui sont différentes de mon travail en tant qu'étudiant. C'est vraiment ce que tu dis, c'est pouvoir exprimer ses passions. Ouais. Ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Puis les transmettre quoi, parce qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on apprend, des bonnes adresses, des bons films, tout ça, et on a envie de les faire partager aux gens, quoi, de leur dire, ça c'est bien, écoutez-le, regardez-le, lisez-le, etc. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est aussi un grand plaisir de la radio, quoi, de pouvoir partager ça avec les auditeurs. Exactement. Alors, est-ce que la musique, c'est une de tes passions ? Oui. Alors, la musique, oui, mais alors peut-être pas la même musique que la plupart des gens de Fadjet. Oui, c'est-à-dire que je suis pas du tout les groupes récents. J'en entends des chansons par-ci, par-là, mais je m'y connais rien du tout. Par contre, je pratique le chant choral depuis très très longtemps. Ah. Et donc, je suis toujours chanteur, notamment auprès de la maîtrise de la cathédrale de Metz, qui fait énormément de très très beaux projets. Donc ça, c'est une première manière pour moi de vivre la musique. Donc, c'est beaucoup de musique un peu plus classique, on va dire. J'ai une grande passion pour les musiques de films. Est personnel, voilà. D'accord. Donc je découvre, en général je regarde un film, la musique me plaît, je vais la récupérer, j'écoute, voilà, c'est des choses que j'écoute beaucoup et qui me plaisent aussi beaucoup. Voilà. Eh bien écoute, on va découvrir une musique que Yves nous a préparée, c'est lui qui réalise cette émission et c'est lui qui a choisi ce qu'on va entendre tout de suite. I'm the queen of the jungle, but don't live in a wongo. My elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east that wants to make me his feast. 'Cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting Fadjet. De retour avec Pierre, mon invité du soir, pour nous faire découvrir son émission, puisqu'il en est le créateur, donc on peut dire comme ça, et le coordinateur également. Son émission, et donc ton émission, c'est Jet Quiz. Et on la retrouve tous les premiers jeudis de chaque mois à 20h. Tous les premiers jeudis de chaque mois à 20h. Donc ça veut dire que le... Les premiers jeudis de chaque mois à 20h. C'est bien parce que ça permet de répéter. Voilà, donc je pense que les gens ont compris. Quelle date, quelle heure. Et justement, le prochain rendez-vous, c'est... C'est le 5 novembre. Le 5 novembre. Voilà. Donc là, soyez vraiment à l'écoute à partir de 20h. Le principe, on le rappelle... C'est des petits jeux avec des animateurs de Fadjet, mais pas seulement, auxquels vous pouvez participer et éventuellement même gagner un cadeau à partir de cette Exactement. Date. Vous, auditeurs, vous pouvez, si vous êtes fidèles, gagner un beau cadeau offert par Pierre en particulier pour vous récompenser. Exactement. Tout à fait. Donc là, en gros, si vous avez envie de passer une soirée sympathique, ça change des programmes TV. Ah oui. Oh oui, ça distrait. Même si on retrouve dans tes questions des choses un petit peu en lien avec des jeux télévisés. Mais chez nous c'est mieux. C'est convivial en tout cas. Ouais, ouais. Voilà. Et puis donc le principe de Made in Fadjet, c'est aussi de faire connaissance avec l'animateur de l'émission que l'on met en lumière. Donc là on a commencé à faire connaissance avec toi, Pierre. Donc tu nous as dit que en gros tu étais passé par la matinale de Fadjet. Oui. Et que c'était ça qui t'avait donné envie de créer ta propre émission. Donc c'est souvent comme ça aussi à Fadjet, c'est-à-dire on participe à une émission un peu collective de Fadjet et puis après on se dit pourquoi moi je créerais pas mon propre projet. Tu es étudiant. Oui. En quoi, redis-nous? Je suis en doctorat d'informatique. D'accord, donc encore un peu de temps pour avoir le doctorat ou... Encore au moins, au moins 2 ans, peut-être plus. Parce qu'un doctorat, redis-nous, c'est en combien de temps? On ne sait pas, justement. D'accord, c'est, on ça sait ça quand peut on être commence, avis. On ne sait pas quand... Non, quand même pas. Non, disons que le minimum, c'est 3 ans et ça peut aller à 4-5 ans en fonction d'accord. de comment ça se passe. On va avoir des rallonges. Voilà, c'est ça. Si on n'a pas fini de trouver. Exactement. Parce qu'on c'est cherche, tout à fait en ça. Fait. On hein, cherche t'es chercheur. On ne trouve pas toujours. Voilà, exactement. Donc, on va te souhaiter de trouver. Ah ben, j'espère. Et puis, alors, la matinale, c'était pas vraiment ta première expérience radio? Non, pas du tout. Alors, bah, pour parler de mes autres expériences radio, il faut que je dise que une chose qui me définit, c'est que je suis un jeune catholique pratiquant. Mm-hmm. C'est rare. Oui, c'est rare. Mais ça existe donc, encore. Voilà, il faut le signaler. Pierre en est la preuve. Ouais, exactement. Vivante. Voilà. Et donc, une de mes toutes premières, enfin mes premières expériences en radio, c'était pas ici, c'était chez nos confrères de RCF Jéricho. Où j'avais ah fait bon. Quelques... Oui, tout à fait. Ah j'avais, ouais. j'avais déjà participé en tant qu'invité à quelques interviews. Et puis, j'avais encadré des jeunes du lycée Saint-Sigisbert qui, voilà, dans leur engagement de catéchèse, montaient une émission. Donc, je les coachais un peu. Et puis, on recevait un invité. Et voilà, on montait un truc. Mmh. Donc, ça, c'était une première chose. Donc, ça, c'était ta toute première voilà, expérience c'était radio. Voilà, c'était ma vraie première expérience radio. Après, j'ai été pendant un an à la propédeutique de Lorraine à Nancy, enfin une demi-année en fait, parce que je suis parti en cours de route. C'est un gros mot. Alors c'est un gros mot, c'est très simple, c'est une année qui est offerte aux jeunes hommes catholiques de la région pour réfléchir sur leur vocation, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent devenir prêtre, devenir moine, ou se lancer dans une vocation plus classique, on va dire, d'homme marié, d'avoir une famille, etc. Mm-hmm. Une année de réflexion. Donc, c'est une année de réflexion orientée avec des cours, un peu de vie en communauté, tout ça. Mmh. Et une des grandes richesses de cette année, c'est de pouvoir participer à Fadjet en animant une fois par mois, le dimanche matin, l'émission Grand Large. Exactement. Voilà. Donc, c'était mon premier c'était vrai contact en quelle année, avec Fadjet. Ça c'était en 2011, fin d'année 2011. D'accord. Voilà. Donc, là, le principe de Grand Large, alors, voilà, Grand Large, le principe, c'est que ce sont les jeunes qui sont en propédeutique qui viennent l'animer. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes en propédeutique. Oui, c'est pour vrai. Ça que je disais, c'est rare, les jeunes les catholiques. Ans, ouais. Il n'y en a pas tous les ans, il n'y en a pas cette année. Donc, oui. Du coup, il n'y a pas d'émission Grand Large cette c'est année triste. Sur l'antenne de Fadjet. On espère la retrouver l'année prochaine. Bien sûr. Donc, en gros, le principe de Grand Large, on va faire, allez, d'une pierre deux coups, on présente Jeff Prise, bien sûr. Grand Large. Ça vas-y. Oh, bah, Grand Large, c'est très simple, c'est donner la parole donc aux propédeutes, donc aux jeunes de la propédeutique, pour présenter un peu ce qu'ils veulent en fait sur comment vit un jeune catholique. C'est un peu à eux de choisir les sujets quoi. Mm-hmm. Ça leur permet d'entrer en contact avec les gens en général, à formuler des choses, et puis c'est une très bonne expérience franchement de monter des sujets ensemble. Ça permet très aussi de sortir de son train-train un peu quotidien et de sa vie entre soi. Hein, c'était aussi le concept. Mais on fera une émission spéciale Grand Large. Ça marche. Mais en revanche, c'est ce parcours-là qui est intéressant. C'est-à-dire, toi, à un moment donné, tu t'es posé la question de devenir prêtre. Tout à fait. Je me suis posé la question parce que je pense que, comme beaucoup de jeunes élevés dans des familles catholiques, en fait, c'est quelque chose qui, on se pose la question à un moment. Est-ce que c'est pour moi ou pas? Et puis la réponse était non, mais en toute simplicité, je veux dire, c'est... Oui, non, mais non seulement tu t'es posé la question, mais tu as pris quand même 9 mois de ta vie, c'est quand même tout important, pour te dire, je vais vraiment creuser la question. Oui. Hein, il faut faire mais la démarche. Je pense que c'est, d'une part c'est important, et d'autre part c'est très bien fait, puisqu'on a un accompagnement personnel, des gens avec qui discuter, et en même temps, une vie qui continue, quoi. Je veux dire, une vie... Donc il y a une partie vie en communauté qui est très importante aussi, parce qu'on vit avec des personnes qui ont un peu les mêmes questionnements que nous, mais pas toujours la même origine. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des parcours très divers. Mm-hmm. Et puis, on continue à étudier en même temps, on continue la vie quotidienne, on fait le ménage, on fait la cuisine ensemble, les choses comme ça. Et puis voilà quoi. Oui, on apprend des choses aussi sur soi, et c'est pas uniquement c'est une hyper réflexion. Riche. Ouais, ouais. Même pour le côté civil, j'allais dire, de la chose, c'est hyper riche parce que ça permet de se poser. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de stress. Donc c'est vraiment une année pour se poser et qui est hyper riche du coup. Et qui permet de donner une vraie réponse. C'est-à-dire que toi en l'occurrence, c'est non. Donc exactement. Tu t'es réorienté vers des études et aujourd'hui, ça marche bien. Tu as d'autres projets de vie. Tout à fait. Et on découvre plein de choses sur nos animateurs. Je ne sais pas si vous saviez. Ce qu'avait envisagé votre animateur de Jet Quiz, si vous tout êtes de fidèles auditeurs. Mais vous le connaissez un petit peu mieux. Et merci à toi, en tout cas, de nous avoir partagé ça, parce que c'est quelque chose aussi de très personnel. Et ça permet de mieux te découvrir. Alors, le prochain rendez-vous, on l'a dit, le 5 novembre. Il y a des choses un peu particulières qu'on va retrouver cette année. Alors, de temps en temps, oui, on va faire des... On avait déjà fait, à la fin de l'année dernière, une émission spéciale. C'était un spécial Disney. Mm-hmm. Ouais, voilà, on avait accès un peu sur les dessins animés Disney, parce qu'on avait pas mal de fans parmi les participants. Deux, je me permets de rajouter beaucoup, un E, beaucoup parce qu'en l'occurrence, c'était Disney. Les filles. Oui. Voilà, et puis on en avait profité pour faire passer un sondage via les réseaux sociaux pour demander aux gens quels étaient leurs Disney préférés. Et ça permet de rajouter un jeu, voilà, les joueurs ont voté pour penser à leur avis, quel était le Disney préféré des gens. Mm-hmm. Et puis les auditeurs ont pu aussi essayer de deviner. Et les résultats ont été assez intéressants. Alors c'était quoi? Alors si je me rappelle bien, le premier c'était le Roi Lion. Ça c'était pas trop surprenant. Oui, forcément, oui. Et alors ensuite, par contre, je sais plus quel était le 2, mais il m'avait un peu surprise. Peut-être Mulan, quelque chose comme ça. D'accord. Je sais plus, il faudrait que je reprenne. Et en 3, devait y avoir La Reine des Neiges et Réponse, qui était à peu près à égalité. Ok. Voilà. Et bien on va écouter une petite musique de Disney, justement. Hein, comme toi, tu fais aussi des musiques que tu aimes bien. Oui. Tu peux nous la présenter? C'est celle de La Reine des Neiges, je crois bien, justement. C'est parti. C'est parti. S'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes peaux. N'en parle pas, fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiment. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis. Libéré, délivré. Ouais, ça reste dans la tête. Hein. Oui, je m'excuse profondément auprès de tous les auditeurs de Padgett. Toute la soirée. Pour ce qu'ils vont avoir, voilà. Non, mais c'est bien, au moins ça marque. Hein. Ouais, complètement. Alors, Jet Quiz, c'était l'émission du soir que nous avons découvert pendant une demi-heure. Pierre, c'est son créateur, coordinateur, et puis il a plein de co-animateurs, on va dire. Oui, parce que les gens qui sûr. Participent à bien Jet sûr. Quiz, forcément, c'est ils eux aussi qui font, l'émission. Prochain rendez-vous, le 5 novembre, on l'a dit. Oui. Alors, si toi, tu avais une petite phrase ou quelque chose, un petit slogan, histoire de faire venir des auditeurs, justement, le 5 novembre, pour venir vous écouter et à partir de 20h. Je leur dirais, venez vous reposer vos neurones pendant qu'on se creuse les nôtres. C'est pas tu mal, sais hein. Que, hein, un jingle trouvé comme ça pendant l'émission, c'est ça aussi, Fadjet. Oui, hein, ça permet de renouveler. Garde-le, écris-le. Pour la prochaine bande-annonce, à mon avis, ça peut être, ça marche, okay. Ça peut être très sympa. Annonce. Eh ben, merci en tout cas, Pierre, d'être venu nous causer pendant une demi-heure. Merci de nous avoir permis de faire plus ample connaissance avec toi et avec ton émission. Et puis, belle saison aussi à toi sur l'antenne merci. De Fadjet. Hein, voilà. Je pense qu'elle sera très bien. C'est bien parti. C'est bien parti. Et ben, pour nous aussi et pour les auditeurs aussi. Et surtout, ne loupez pas, venez vous détendre, changez-vous un petit peu de vos habitudes. Venez découvrir ce qui peut se passer à la radio aux alentours de 20h. Et ne restez pas devant votre poste de télé. Ça peut être très intéressant. Le 5 novembre, 20h, Jet Quiz. Et puis, tous les premiers jeudis de chaque mois. Exactement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une autre émission de Fadjet. Et dans quelques instants, eh bien, c'est Florent que vous retrouvez pour Menu étudiant avec toute son équipe. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Mercredi 19h, 19h30, Midi in Fadjet. L'émission des émissions de Fadjet.